Pipiti en toujours tant de grand monde, t'es qu'à dire nous, faut nous travailler l'école pour pas arrêter d'ailleurs, pour pas travailler en terre. Pipiti en toujours tant de grand monde, t'es qu'à parler y'a qui des trois métiers, fait l'école, avocat et puis docteur. Après l'université, en vie non gros diplômé, mais n'y habite un camp pas t'es savé. L'école pas qu'à montrer où j'y mounouillé. Vie en moins vini plus compliqué. Est-ce en son diplômé ou bien en paumé? En pas qu'arriver, lancez-moi pour côté. Pas même river, joindre en moule, moi aimé. Sans dit dans moi, il t'est la vie sans dit dans moi, il t'est la vie sans dit dans moi, il t'est la vie sans dit dans moi. Attention à science sans conscience. Équilibré ça ou yé, et ça au café, et ça ou ni. Pas fait qu'on pousse vers la vie, ou qu'est bête, pas tant. La vie même ni tant. Couté, garde, parle, y'a bon senti que awa, ou femme qui moun ou yé. Pensez, elle est confiance en toute confiance. La vie pas l'ennemi, mais t'es valet devant succès. Mais t'es saouillé devant l'argent. Nous connaissons plus à tout vite, nous pas connaissons valet à rien. Économie devant les yeux pour rendre vous fou, mais sans apprendre vous respirer. Il pas ni a yé en wè, elle est intelligente. Pas ni pon moun ki pli moun ki pon moun, tout moun se moun, avec ou sans diplôme. Attention à science sans conscience. Équilibré sans yé et sans café et sans ni. Pas fait pour conserver la vie ou que bête, pas tant. La vie même ni temps, où t'es garé, parlé, à prendre senti que y'a, où ça va, qui m'en ouye. Pensez, elle est confiance en toute confiance, la vie pas l'ennemi, mais t'es valet devant succès, mais t'es sauvé devant l'argent. Mon esprit a tout bite, nous pas qu'on est valé à rien. Économie nous vendait hier pour un vous fou, mais fort à prendre vous respirer. Ah, tomber, Henri, l'éveil, chercher, oh. Et c'est l'amour ou vend l'argent. Monsieur Jacques Darbeau sur RCI, il est à Galvin à suivre. Première fois, trois générations de comiques réunies sur la scène du Grand Carbet, mercredi 23 juillet, 20h. Les Foubins, Bobby. Nous sommes là avec Bobby, vous savez déjà. On et les frères Gali. Zaza, on m'a dit, on va savoir que l'homme était quoi en maillot ou bon soufflé après 10 ans, ça comptait. Participation 35 euros. Point de vente, Jardin d'Iris, Galeria. Intersport, Crash Games, Bizouk, Monipass et Data Caraïbes. Info spectacle 06 96 19 30 31. Ça méritait un feu. Les Foubins, Bobby et les frères Gali. Mercredi 23 juillet au Grand Carbet. Tout ça, c'est 6 autres vignes. Pour ces vacances, ne cherchez plus. Direction Caraïbes Price pour profiter de nos bons plans. Le sachet de 2,5 kg de frites surgelées est à seulement 4,75 €, soit 1,90 € le kilo. Oui, 2,5 kg de frites dorées et croustillantes pour seulement 4,75 €. Offre valable du 2 au 14 juillet. Caraïbes Price, tous les jours, proche de vous. Pour votre santé, bougez plus. Passez à la vitesse supérieure avec Nissan. Découvrez le pack all-inclusive chez Nissan Martinique. Une mensualité sans apport, 5 ans de garantie, 5 ans d'entretien et 5 ans d'assistance. Une offre complète pensée pour votre tranquillité d'esprit. En ce moment, nouveau Nissan Qashqai en formule all-inclusive est à partir de 459 € par mois sans apport ou à partir de 29 990 € ou bénéficiez d'une remise Nissan de 5 000 € minimum. Nissan, chez Martinique Automobile. Uniquement. Offre de location avec option d'achat sous réserve d'acceptation par Crédit Moderne Antilles, voire conditions en concession. Pensez à covoiturer. Dis, monsieur Bricolage, c'est quoi un imbattable de la rénovation? Un imbattable de la rénovation, c'est 40 euros de remise immédiate sur le pack d'outils sans fil 18 volts Hyundai, comprenant une perceuse, une meuleuse d'angle et une scie sauteuse, à seulement 129 € au lieu de 169 jusqu'au 20 juillet. Dans vos monsieur Bricolage à Cajou et Petit Manoir, et sur monsieurbricolage-martinique.fr. Et pour couper court aux grosses dépenses, c'est immanquable. Monsieur Bricolage, faites-le vous-même, mais pas tout seul. Cette année, Megastock souffle ses 6 bougies. Pour célébrer cet anniversaire, place à une avalanche de bonnes affaires. Le pack de Coca-Cola 8 x 50 centilitres est à seulement 6,59 €, soit 1,65 € le litre. Oui, 6,59 € le pack de Coca-Cola. Idéal pour rafraîchir vos moments en famille. Offre valable du 2 au 20 juillet. Megastock, mon club entrepôt. Pour votre santé, évitez de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Hé hey Muriel, comment vas-tu? Bah moi ça va super bien. Je viens tout juste de réserver mon séjour à Caribea. Ah ouais? Donne-moi le bon plan. Cette année, j'ai opté pour une chambre avec kitchenette sur la terrasse. En plus, on peut prendre un petit déjeuner buffet à volonté. Les enfants adorent cet hôtel. Yoka, ils aient ces trois piscines-là. Michel, lui, tu le connais, c'est le restaurant qu'il préfère. Il faut le voir dans le buffet de la personne. Ika plein boudin. Maman, tu m'as convaincu. Je te dis, tu peux faire ta réservation directement sur leur site internet, caribea.com. Super, je me connecte tout de suite. Caribea, authentique plaisir Caraïbes. Vous connaissez le Sianka? Le Sianka, c'est route des rochers. Le Sianka, c'est un formidable service traiteur pour vos baptêmes, vos communions, vos mariages. Dépouillez au tir bien sa caille ou criez le Sianka. Numéro I, c'est 64 29 47. Le Sianka, libre service pâtisserie traiteur, route des rochers. Et puis si vous venez acheter pain le dimanche bon matin, ou que trouvez boudin chaud, ouais, le Sianka pour toutes vos commandes. 64 29 47. Le Sianka, ouvert les dimanches et jours fériés, de 7h30 à 12h30. Besoin de rénover en toute confiance? Alucenter vous accompagne depuis plus de 20 ans pour vos toitures, avancées de terrasse, cuisine, salle de bain à l'italienne, menuiserie alu et bien plus encore. Garantie décennale, pose incluse, paiement sur mesure, votre tranquillité est notre priorité à Alucenter. En cette période cyclonique, pensez à sécuriser votre maison et jusqu'au 31 juillet, profitez d'une remise exceptionnelle. Contactez vite Aaron au 06 96 285 855. Oui, au 06 96 285 855. 855. Alucenter, c'est la réactivité et la qualité assurée. Les vacances arrivent et vous aimeriez que vos achats soient remboursés, hein? Eh bien, à la Galeria, du 21 juin au 5 juillet, pendant l'opération Les Bonnes Affaires, non seulement vous profitez de réductions exceptionnelles, mais vos achats peuvent aussi être remboursés. Oui, vous avez bien entendu. Des bons plans et peut-être un shopping 100% remboursé. Les Bonnes Affaires, c'est à la Galeria et nulle part ailleurs. Alors moi, j'y cours. Et vous? La Galeria, ma ville à moi. C'est le moment de changer vos pneus avec la promotion spéciale de Siligom. Qui ça? C'est bien ça, O'Donlin. Vos pneus 205 à 45 R17 à 70 euros. Les 205 55 R16 à 60 euros. Et les 205 60 R16 à 70 euros seulement. En plus, le montage, les valves et l'équilibrage sont offerts. Offre Siligom, valable jusqu'à fin juillet. Possibilité de payer en 4 fois sans frais. À Siligom, on fait le parallélisme et la géométrie sur place. Rendez-vous à Siligom, Fondeur du Cos. Téléphone 05 96 56 31 26. Siligom, c'est la sécurité, le service et les bons plans pneus. Fanatique tout partout, après une longue absence, voici le grand retour de l'orchestre haïtien Zegler, en provenance de Miami, avec le retour de son chanteur, Frérot Jean-Baptiste, samedi 5 juillet, 20h, 4h du mat, au Millennium du Morne Rouge, à la console, DJ Ralph. Soirée Talak et mettez le Millennium au 7e continent. Participation prévente 35 euros et ensuite 40 euros. Point de vente, bisous. Boucherie Tedos et Saumon le Rouge. Vito Lorrain, Sainte-Marie, Robert, Petit Bourg, Rivière Salée et sur Place d'Or. Rose Market Fort de France. Mike, l'orchestre Zinglin, Frérot et DJ Rap, qui attendent autres le 5 juillet pour craser le Millennium. Heidi Saba, tout le monde, y'a pas dit, y'a pas des salves. Festil et Rig Event présente la reine du gospel africain, Dena Moana. Un concert de louanges et d'adoration. Mercredi 16 juillet, à l'espace La Reprise, Rivière Salée. Dena Moana, avec en invité Ryan Labiche et le groupe KDC. Un prier pour un matin. Billets disponibles sur Bizouk. Plus d'infos, 06 96 191 191. La grande Dena Moana, en concert avec RCI. Tout de suite. Le bon plan RCI. Les ventes flash du bouquet télé TV Caraïbes, c'est seulement pendant 3 jours, vendredi, samedi et dimanche. Et oui, nous allons parler du bouquet TV Caraïbes avec l'INSEE Guetta qui est avec nous ce matin chez l'un de ses distributeurs. Bonjour l'INSEE.